بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا في هذه الليلة سورة قريش. Aujourd'hui on verra la sourate donc intitulée Quraysh. وهذه السورة لها تعلق بالسورة التي قبلها. Et cette sourate elle est liée à la sourate qui la précède, la sourate qu'on a vue la semaine dernière, qui est sourate al-fil, la sourate de l'éléphant. فإن الله تبارك وتعالى في سورة الفيل يذكر ما أنعمه على قريش حينما حماهم ممن جاء بالفيل لهدم الكعبة. Et donc Allah تبارك وتعالى dans sourate al-fil, il cite les bienfaits qu'il a accordés à Quraysh lorsqu'il les a protégés contre ceux qui sont venus avec un éléphant pour détruire la Kaaba. Jazakallahu khairan. Amma fi hadhihi as-surah fa yadhkuru Allah tabaraka wa ta'ala ma an'ama bihi ala Quraysh fi asfarihim lit-tijara. Tandis que dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala, il cite les bienfaits qu'il a accordés à Quraysh concernant leur voyage pour le commerce. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit li ila fi Quraysh, à cause de ce que chérissent les habitants de Quraysh. À cause de ce que chérissent les habitants de Quraysh. Dans certaines traductions, il citait le pacte de Quraysh ou autre. Quand j'ai regardé les paroles des Mufassirin, c'est la traduction Wallahu a'lam, et serait mieux de traduire par ce que chérissent les habitants de Quraysh. Il a fihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Le fait qu'il chérissait les voyages durant l'hiver et l'été. Falyabudu rabb hadha al-bayt, alors qu'ils adorent le seigneur de cette maison, c'est-à-dire la Kaaba. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Celui qui les a nourris contre la nourriture et les a sécurisés contre la crainte. قال كثير من أهل التفسير إن أول هذه السورة متعلق بآخر السورة التي قبلها. Beaucoup des savants du tafsir, ils citent que le début de cette sourate, le début, est lié, il va avec la fin de sourat al-fil. فالمعنى أهلكنا أصحاب الفيل وجعلناهم كعصف مأكول min ajli ila fi Quraysh. Et donc ils disent la signification en liant les deux versets, donc le dernier verset de sourate al-fil et le premier verset de sourate Quraysh, la signification: nous avons mené les gens de l'éléphant à la perdition et nous avons fait d'eux qu'ils soient comme de la paille mâchée à cause de ce que chérissent Quraysh. À cause de ce que chérissent Quraysh. وقال آخرون الآية الأولى في سورة قريش متعلقة بما بعدها. Et donc certains autres savants ils disent le premier verset de sourate Quraysh en fait est lié à ce qui est cité après. Et donc ils nous disent la signification فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِإِلَى فِي قُرَيْشِ. La signification est donc qu'ils adorent le Seigneur de cette maison à cause donc de ce que chérissent Quraysh. Le fait que Allah Azza wa Jalla les a préservés, a placé la sécurité dans leur voyage. Wa qala akharun al-ma'na i'jabu li'ila fi Quraysh. D'autres savants ils disent la signification c'est at-ta'ajjub, comme est surprenant ce que chérissent Quraysh. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, on a le lam al-jar qui est la première lettre du verset. Li'ila fi Quraysh. Et donc le lam al-jar, parfois on peut l'utiliser comme tustamel li'ta'ajjub. Ils nous disent les savants, parfois on peut l'utiliser pour montrer l'étonnement. Quand on est surprenant ce que chérissent Quraysh. Et waqad dhakara al-ulama aqwalan ukhra. Les savants ils ont cité d'autres avis quant à l'explication de ce premier verset. لكن هذه الأقوال كلها تتفق على أن الله تبارك وتعالى يذكر في هذه الآية ما أنعمه على قريش فيما يألفونه من الأسفار للتجارة. Cependant, donc, il y a d'autres avis qui ont été cités pour l'exégèse de ce verset, mais tous ces avis se réunissent, sont d'accord pour citer que Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il montre les bienfaits qu'il a accordés aux habitants de Quraysh concernant ce qu'ils chérissaient tant, c'est-à-dire les voyages qu'ils faisaient pour le commerce. فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَرْحَلُونَ فِي الشِّتَاءِ إِلَى الْيَمَنِ وَفِي الصَّيْفِ إِلَى الشَّمِ. Car les habitants de Quraysh, ils voyageaient durant l'hiver au Yémen. Et en été, ils voyageaient au Shem. Et tout cela pour le commerce. وَيَكْتَسِبُونَ مِنْ ذَلِكَ مَكَاسِبَ عَظِيمًا. Et il y avait énormément de profits du côté économique lié à ces voyages. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala fait qu'un ou aminin. Allah les a préservés. Ils étaient en sécurité durant leur voyage. وَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي مَكَّةِ وَلَا زِرَاعَةَ فِيهَا. Et donc ils étaient à la base, ils étaient à Mecca. À Mecca, il n'y a pas, donc, il n'y avait pas d'agriculture ou quoi que ce soit. Fait لَوْ هَلَكَتْ تِجَارَتُهُمْ لَكَانَ فِي ذَلِكَ مَشَقَّ عَلَيْهِمْ. Si leur commerce était mené à la perdition, cela aurait été très difficile pour eux. Cela aurait été très très très difficile pour eux. لَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala, il les a nourris contre la faim et il les a sécurisés, il les a placés en sécurité de toute crainte. فَتَأَمَّلُوا أَيُّهَا الْإِخْوَى فِي هَذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظِيمَةِ. Méditez, aux chers frères, quant à ce grand bienfait, الْأَمْن, la sécurité. وَقُلْنَا لَكُمْ كَثِيرًا الْمَرْءُ قَدْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ مَا هُوَ كَثِيرٌ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطْعَمَهُ مِنْ أَجْلِ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ. L'individu peut avoir beaucoup de nourriture, beaucoup, mais ne peut pas manger à cause du fait qu'il craint pour sa santé, il craint pour sa vie, il n'est pas en sécurité. Et donc il ne peut pas profiter de cette nourriture. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى مَنَّ عَلَيْهِمْ بِالطَّعَامِ وَالْأَمْنِ مَعَنْ. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il leur a accordé la nourriture et la sécurité ensemble. فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى بِشُكْرِهِ عَلَى هَتَيْنِ النِّعْمَتَيْنِ. Alors Allah, il leur a ordonné de le remercier pour ces deux grands bienfaits qu'il leur a accordés. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Alors qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Celui qui les a nourris contre la faim et les a placés en sécurité contre toute crainte. فَشُكْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَكُونُ بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ وَبِطَاعَتِهِ. Et donc le fait de remercier Allah tabaraka wa ta'ala, cela se fait par son adoration, le fait de l'adorer seul et le fait de lui obéir et de se soumettre à son jugement tabaraka wa ta'ala. Wa dhakara Allah azza wa jalla annahu rabbu hadha al-bayt. Allah il a cité qu'il est le seigneur de cette maison. Wa dhalika tashrifan lahu. Et il a cité cela pour honorer cette maison, la Kaaba, pour montrer la valeur de celle-ci. Lakinnahu rabbu kulli shay. Cependant, il est le seigneur de toutes choses. Comme il l'a dit tabaraka wa ta'ala, قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Dit, est-ce que c'est Allah que je vais prendre comme seigneur alors qu'il est le seigneur de toutes choses? Il est le seigneur de toutes choses tabaraka wa ta'ala. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ السُّورَةِ أي تَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِالْأَمْنِ وَالرُّخَصِ ليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا والآخرة ومن عصاه سلبهما منه كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Mukaffir, il cite une très belle parole ici, dans son exégèse, dans l'explication de cette sourate, il dit, c'est-à-dire que Allah, par sa grâce, il leur a accordé la sécurité et les a comblés de ses bienfaits afin qu'ils l'unifient dans l'adoration. Donc après, on ne dit pas, ah, ça c'est Al-Madakhila, ils sont venus avec Tawhid, Tawhid, Al-Ifrad, et non, non. Mukaffir, il le cite ici déjà. Liyufriduhu bil-ibada. Afin qu'il l'unifie dans l'adoration, seul, sans associé. Et qu'il ne lui accorde, et qu'il n'adore personne en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'il n'adore pas de statue, ni d'égal, ni d'idole. Et c'est pour cela, ceux qui répondent à cet appel, donc ceux qui obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala, qui répondent à cet ordre, alors Allah leur rassemble la sécurité ici-bas et dans l'au-delà. Allah il leur accorde la sécurité ici-bas et dans l'au-delà. Et celui qui désobéit, alors Allah le prive de ces deux-là, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a cité, « وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً » Et Allah a montré une parabole, une ville qui était en sécurité, tranquille. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Et sa subsistance, la subsistance de cette ville, c'est-à-dire les habitants de cette ville, leur subsistance leur venait de façon abondante et de partout. Subhanallah. Leur subsistance leur venait de partout. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Alors, ils ont été ingrats quant au bienfait d'Allah. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Alors Allah leur a fait goûter la douleur de la faim et de la crainte à cause de ce qu'ils ont fait. À cause de ce qu'ils ont fait. تَأَمَّلُوا فِي هَذَا الْكَلَامِ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ. Donc fin de citation, méditez, aux chers frères, sur cette parole de Ibn Kathir, rahimahullah. انظروا إلى حال المسلمين. Méditez sur la situation des musulmans aujourd'hui. كَثْرَتِهِمْ. Le grand nombre des musulmans. Le grand nombre de musulmans qu'il y a à notre époque. Ma'adafihim shadid, avec leur faiblesse, la faiblesse que nous avons. Wa ma halla bihim min masa'ib, et le mal qui les touche, comme on a actuellement en Palestine. Qu'Allah Azza wa Jal vienne en secours à nos frères. Et donc on doit méditer, au chers frères, sur cette situation. Ma halla 'ala al-muslimin min ju'in wa khawf, le fait que les musulmans soient touchés par la faim, la famine, la crainte, est-ce qu'on a fait quelque chose? Na'am. Bima kanu yasna'un, à cause de ce qu'ils ont fait. Fa nahnu nuridu al-arzaq, on veut la subsistance. Wa nuridu al-amn, on veut la sécurité. ونريد مع ذلك البقاء في المعاصي والذنوب والبدع والشركيات. On veut la sécurité, la subsistance, et on veut en même temps rester dans nos péchés, hein, nos innovations, les actes de polythéisme qu'on peut trouver dans la communauté. والجهل. On veut rester dans l'ignorance. طيب اين المسلمون الذين يجتهدون في تعلم دينهم. Où sont les musulmans qui font les efforts pour apprendre leur religion? On reste là tranquille dans l'ignorance, on accomplit des actes d'adoration, parfois on ne sait même pas comment on fait nos actes d'adoration. On est là, satisfait de notre situation. Et ensuite, on est choqué lorsqu'on voit ce qui nous atteint. On est choqué lorsqu'on voit la faiblesse dans laquelle est la communauté musulmane. Voilà comment on doit faire si on veut rechercher le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-ruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de retourner vers Allah azza wa jal et la sunna de son prophète. صلى الله عليه وسلم. ففي هذه السورة تذكير المسلمين والكفار بنعمة الأمن والطعام، وأن هاتين النعمتين مستلزمتان لشكر الله وطاعته تبارك وتعالى. Il y a dans ces deux sourates, donc il y a dans cette sourate, excusez-moi, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala fait le rappel aux musulmans et aux incroyants quant aux bienfaits de la sécurité et de la nourriture, et que ces deux bienfaits impliquent le fait qu'on remercie Allah tabaraka wa ta'ala et qu'on lui obéisse en l'adorant seul. Tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.